بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأنا continue cette série sur la biographie des quatre califes, سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Et aujourd'hui, la biographie de Amir al-Mu'minin, al-Farouq, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala an. Et taqaddam ma'ana dans la première partie, la biographie de Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu an, l'importance d'étudier la biographie de Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum. Falihada, qala al-Imam Malik, rahimahullah, كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. السلف ils enseignaient à leurs enfants d'aimer Abu Bakr et Omar en étudiant leur biographie, leur mérite, comme ils leur enseignaient une sourate من القرآن. هذا c'est مهم مهم pour المسلم أنه qui connaissent, ولو على سبيل الاختصار, ولو en résumé, la biographie de هؤلاء الأخيار. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أما اسمه ونسبه وكنيته وألقابه رضي الله عنه فهو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة القرشي العدوي. Donc هذا سيسون عمر ابن الخطاب. Sa kunya c'est Abu Hafs. Wa min alqabihi Amir al-Mu'minin, bien sûr, comme ça yati ma'ana, et Al-Farouq. Amma zawjatuhu wa awladuhu. Fa parmi ses femmes, qu'on peut citer huna bi-ikhtisar, Zainab bint Mad'oun al-Qurashiyya. Wa ruziqa minha Umar radiyallahu anhu, Hafsa wa Abdullah wa Abdurrahman al-Akbar. Donc Zainab bint Mad'oun in Qurashiyya radiyallahu anha, c'était une des épouses de Omar et il a eu comme enfant avec cette femme Hafsa, al-Mu'minin, et Abdullah ibn Omar, sahabi al-Jalil, wa hakada Abdurrahman al-Akbar. Kadhalik min zawjatihi radiyallahu anhu Jamila bint Thabit al-Ansariya wa ruziqa minha Asiman. Et kadhalik parmi ces femmes, une sahabiya qui s'appelait Jamila radiyallahu anha, et il a eu Asiman comme enfant avec هذه المرأة. كذلك أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أم كلثوم la fille de علي. Et كذلك la fille de فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورزق منها زيد ورقية و d'autres épouses qu'il a eu رضي الله تعالى عنه. فهذا اسمه ونسبه bien sûr c'était un قرشي. Et ses enfants, parmi les plus connus, Hafsa, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Omar, al-Sahabi al-Jalil, Abdullah ibn Omar, al-Sahabi al-Jalil. Amma, qissatu islam, et comment il est rentré vis dinillahi azza wa jal. Son fils, Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala, anhuma, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma a'izza al-islam, bi ahabbi al-rajulayn ilayk. بأبي جهل ابن هشام أو عمر ابن الخطاب. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a fait هذا الدعاء. Et ce hadith il est صحيح. الإمام أحمد il l'a rapporté وهكذا الإمام الترمذي et d'autres. Et الشيخ الألباني رحمه الله il l'a صحح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم il a fait هذا الدعاء. اللهم أعز الإسلام. العزة c'est la force, la puissance. Le fait que l'islam il s'élève بأحب أو بأحب الرجلين إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a demandé à Allah سبحانه وتعالى qui élève son دين, qui propage son دين, qui donne de la force à cette أمة avec un de ces deux hommes, le plus aimé auprès d'Allah. إما أبو جهل ابن هشام عمر ابن هشام أو عمر ابن الخطاب. قال عبد الله رضي الله عنه فكان أحبهما إليه عمر ابن الخطاب. Et Allah سبحانه وتعالى il a guidé, il a choisi et il a élevé Omar radiyallahu anhu avec هذا الدين, et كذلك il a élevé هذا الدين avec Umar. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. الحديث كذلك الشيخ الألباني إلا الصحة دون لفظة خاصة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Depuis que Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il s'était converti et ils avaient tous remarqué radiyallahu anhum un changement. لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء العظيم أي اللهم أعز الإسلام بعمر. فعبدالله ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال ما زلنا أعزة. On a retrouvé العزة et ولله الحمد pour sahaba radiyallahu anhum depuis que Umar il est rentré fi al-islam. Qala al-hafidh ibn Hajar rahimahullah fi al-isaba thumma aslama Umar radiyallahu anhu fa kana islamuhu fathan ala al-muslimin. Al-fath c'est une victoire. Islam Umar c'était comme un fath, c'était comme une victoire, comme s'ils avaient remporté une énorme bataille. Limadha? لأن عمر رضي الله عنه il était très très respecté عند قريش. Et il avait un charisme, un courage que رضي الله تعالى عنه il a utilisé plus tard pour propager l'islam. فلما أسلم عمر قال فكان إسلامه فتحا على المسلمين, une énorme victoire pour les musulmans, وفرجا لهم من الضيق. لأن à cette époque ils étaient في ضيق شديد في مكة حتى بعضهم et ne pouvaient pas montrer publiquement que c'était des musulmans, publiquement réciter le Coran. Les malades, les hommes, ils risquaient de se faire châtier. فمع إسلام عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين جاء الفرج. الله سبحانه وتعالى il leur a facilité. أما ما روي من قصص أي سبب إسلام عمر رضي الله عنه فلا يثبت من ذلك شيء. Beaucoup de narrations, beaucoup de récits sur l'islam de Umar. Il n'y a pas de hadith, de athar sahih fi hada. Amma qissat istima'ihi lil Qur'an ou tilawat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lil Qur'an, fa hada la yathbut. Ay le récit dans lequel c'est cité que Umar il a entendu la récitation du prophète alayhi sallatu salam thumma il s'est converti. Kadhalik qissat ma'a ukhtihi Fatima حين لطمها لإسلامها وضرب زوجها سعيد بن زيد. كذلك le récit dans lequel Umar il aurait frappé sa sœur Fatima parce que c'était une croyante. وكذلك frappé son mari سعيد بن زيد. فهذا فيه ضعف. Même s'il y a beaucoup de narrations, toutes ces narrations, les chaînes de transmission فيها ما فيها. فلهذا قال البزار كما في كشف الأسطار لا نعلم رواه بهذا السند. Aïe, le récit dans lequel Umar il aurait frappé sa sœur, radiyallahu anhu majma'in, illa al-Hunayni, wa la na'lam fi islam Umar, radiyallahu anhu, ahsan min hadha al-isnad. Donc, le meilleur isnad, la meilleure chaîne de transmission, c'est concernant cette histoire. Quand Umar il aurait frappé sa sœur. Qal ala anna al-Hunayni, lakin dans ce récit, dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui s'appelle al-Hunayni. Qal kharaja min al-Madina, fakuffa wa attaraba hadithu. Naam, ils ont rejeté son hadith. Son hadith, il était faible. Naam, dha'afahu ibn Adi, wa ghayruhu kama qala al-imam al-Zahabi. Rahimahullah. Fa ala kulli hal, il n'y a pas de récit authentique sur comment Umar radiyallahu anhu il est rentré fi l'islam. On a hada al-hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam il a fait ad-du'a pour lui. Amma après être rentré fi l'islam, son fils Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma qala lamma aslama abi Umar qala ay quraish anqal lil hadith. Ce récit il est hasan. Naam, cette histoire elle est authentique. Quand Umar s'est converti radiyallahu anhu min shaja'atihi, directement il a voulu montrer à Quraysh sa position. Enfin, il a demandé qui c'est min Quraysh parmi les hommes de Quraysh qui rapporte plus les rumeurs, qui propage le plus les rumeurs, qui parle le plus. فقيل له جميل ابن معمر الجمحي. Ils lui ont dit cet homme, Jamil, Al-Jumahi, quand il entend une chose, il la propage directement. فقال له عمر, Omar, il s'est rendu auprès de cet homme, radiyallahu anhu, il lui a dit, يا جميل, أو قال, أعلمت يا جميل, أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد. Donc Omar, lorsqu'il a rencontré cet homme, il lui a dit, يا جميل, est-ce que tu es au courant que je suis devenu musulman et je suis la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر. عمر il a à peine fini d'informer Jamil انه il est rentré vers l'islam que cet homme Jamil il s'est précipité en tirant son vêtement pour aller prévenir Quraysh et Omar il l'a suivi حتى قام على باب المسجد فصرخ باعلى صوته. Quand il est arrivé devant le masjid, le Masjid al-Haram, al-Ka'ba, ou qui est al-Ka'ba. À cette époque, c'était encore Quraysh qui contrôlait cet endroit, Mecca. Enfin, il a crié, Jamil, ya ma'ashara Quraysh. Wahum hawla al-Ka'ba. Ils étaient autour de l'Ka'ba, Quraysh. Et il a crié, inna Umar ibn al-Khattab qad saba'a. Faqala Umar radiyallahu anhu, min khalfi Umar, il était derrière lui, il l'a suivi. Et Umar, il a dit, kadaba, il ment. Walakin qad aslamt. Les annahum, pour eux, celui qui est rentré fait l'islam, il disait Saba'a. Et il a suivi cette religion. Alors que Omar, radiyallahu anhu, il l'a corrigé. Il a dit, imman, je suis musulman. Enfin, Omar, radiyallahu anhu, il a montré clairement sa position. Annahum, c'est devenu un musulman. Et pour bien comprendre, il faut savoir qu'à cette époque, c'était très très difficile. Les musulmans, les croyants, ils étaient très très peu. Certains, ils se faisaient châtier. Quraysh, ils contrôlaient encore Mecca et toute cette région. Et Omar, امام الجميع, devant tout le monde, il leur a démontré que c'est devenu un musulman. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلون حتى قامت الشمس على رؤوسهم. عبد الله بن عمر, il rapporte qu'ils se sont levés, ils se sont précipités vers Omar et ils ont commencé à le frapper. Et هو رضي الله عنه, il les a frappés, il s'est défendu. قال وطلح أي آية ثم عمر. Au bout d'un moment, il s'est fatigué. Waqa'ada, il s'est assis. Waqamu ala ra'si. Et ils l'ont entouré. Avec kuffar Quraysh. Et il était seul, radiyallahu ta'ala an. Faqamu ala ra'si. Wa huwa yaqoul. Et il leur a dit, if'alu ma bada lakum. Il leur a dit, faites ce que vous voulez. Fa'ahlifu billah. Law an qad kunna 300 rajulin, laqad taraknaaha lakum aw taraktumuha lana. Il leur a juré, fi hadha al mawqif al azim, radiyallahu an, de faire ce qu'ils veulent. Thumma il a juré, si ils étaient 300 hommes, les croyants, les musulmans à cette époque, il y en a Omar quand il s'est converti, les croyants, ils étaient quelques dizaines, une quarantaine, à peu près une cinquantaine. Enfin, Omar, il a juré, s'ils étaient 300 hommes, imma, ils auraient abandonné Mecca pour Quraysh, imma Quraysh, ils auraient abandonné Mecca pour le musulman. فقال فبينما هم على ذلك إذ أقبل الشيخ من قريش ثم un homme, un vieillard من قريش, il est passé et il les a vus autour de Omar. فقال لهم ما شأنكم, et qu'est-ce qu'il se passe? Fait, ils lui ont répondu صبأ عمر. Mais Omar, il était très très connu في القبيلة عند قريش. Fait, ils lui ont dit Omar, il a changé de religion, il a délaissé la religion de nos ancêtres. فقال فما, il leur a dit, et ça fait quoi? رجل اختار لنفسه امرا فماذا تريدون, il leur a dit, il a choisi ce qu'il veut, فماذا تريدون, qu'est-ce que vous voulez de lui? قال اترون بني عاد بن كعب يسلمون لكم صاحبكم هذا. ثم il leur a fait ce rappel, il leur a dit, est-ce que vous pensez que بني عاد, la tribu de عمر, Omar, il faisait partie de Quraysh, mais il y avait des autres qaba'il, des autres furu', et comme des familles. Enfin, il leur a dit, est-ce que vous pensez que son clan, Adi ibn, Bani Adi ibn Ka'b, ils vont vous laisser si vous le faites du mal? Thumma qala khallu 'an ar-rajul. Il leur a dit, laissez-le. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, quelques temps après, bel après le hijra fil Medina, il a demandé à son père, c'était qui cet homme qui est intervenu quand Omar, il était seul autour de Quraysh quand il aura annoncé sa conversion à l'islam. فقال عمر رضي الله عنه ذاك العاص ابن وائل السهمي. هذه القصة ابن إسحاق اللي رابورتي كما في السيرة لابن هشام وهكذا ابن حبان رحمه الله dans صحيح dans son صحيح الشيخ مقبل رحمة الله عليه إلا حسن dans الجامع الصحيح. Donc هذا الذي صح par rapport à Islam Omar. Avant son islam, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour lui. Thumma, quand il s'est converti, cette histoire avec Quraysh. Amma ghayru dhalik fa fihi dha'f. Wallahu a'lam. Amma hijratuhu, radiyallahu ta'ala anhu, ila al-Madina. Après quelques années passées à Mecca, avec le prophète Muhammad alayhi sallatu wa sallam. Et huna ya ikhwan, on détaillera pas tout. Ta'alamoun anna, anna sirat Umar radiyallahu anhu, elle est très très longue. Elle est en, tu peux la diviser en deux parties. L'époque avec le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, comme l'époque après le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Tout ce qui concerne les faits avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasalam, on les laisse pour inshallah quand on étudiera Al-Fusul d'Ibn Kathir bientôt inshallah. Et là on se concentre sur ce qui est khas sur Omar et encore plus pendant son califat radiyallahu ta'ala anhu. فأما هجرته فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر قال. Donc ce hadith rapporté par son fils Abdullah. عمر رضي الله عنه قال نعم قال لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص ابن وائل السهمي. فتأملوا le fils de العاص ابن وائل السهمي. أي cet homme qui avait pris la défense de Omar, radiyallahu anhu, ou plutôt qui a conseillé Quraysh de ne pas lui faire du mal, et en a où il pouvait avoir des conséquences. Enfin, son fils était un muslim. Hisham. Qala, at-tanadub min adad bani Ghifar, fawq sarif, wa qulna ayyuna lam yusbih indaha faqad hubis. Donc, ils se sont mis d'accord, les trois, Omar, wa Ayyash, wa Hisham. Ils se sont donné rendez-vous à cet endroit. ثم قالوا si un il manque au rendez-vous aille le matin, le lendemain matin, les deux autres ils continuent, ils font le hijra, ils n'attendent pas. قال فأصبحت أنا وعياش. Donc Omar radiyallahu anhu il était au rendez-vous. وهكذا عياش. قال عند التناضب وحبس عنا هشام وفتن ففتتن. Donc Hisham il n'est pas venu au rendez-vous. لماذا فتن. Foutina, il n'a pas fait la hijra avec eux à ce moment, et vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. Et fi hadhihi al-qissa ibar, des leçons très très importantes sur l'importance de la hijra. Fata'ammalu. Fa qala Omar radiyallahu anhu, fa kunna naqul. Donc Omar et Ayyash, ils ont fait la hijra. Min Mecca ila al-Madina. Avant le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Tadhkurun dans la biographie de Abu Bakr. Radiyallahu anhu, il a fait la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout à la fin, les derniers presque. Donc Omar il a fait avant eux. Faqala Omar fa kunna naqul ma Allahu biqabil mimman iftatana sarfan wala adlan wala tawba. Iftatana huna ay taraka din. Ay Hisham à cette période, il a délaissé din al-islam et il est revenu à la religion de Quraysh. Fa Omar quand il a appris cela, pourquoi il n'est pas venu? Et pourquoi il ne les a pas suivis pour faire la hijra avec eux? Il a dit Allahu biqabil mimman iftatan sarfan wala adlan wala tawba. Il a dit ceux qui délaissent leur religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas le repentir, il n'accepte plus rien d'eux. Qala qawmun arafu Allah thumma raj'u ila al-kufr li bala'in asabahum. Madha tastafid min hadha ya akhi al-karim? Tastafid min fa'ida 'azima an vivre fi bilad al-kufr ma'a al-kuffar al-insan qad la yaslam. On n'est pas à l'abri. Et t'aimes fi qissat hadha as-sahabi Hisham ibn al-As ibn Wa'il radiyallahu anhu annahu cette période, ce moment avant de faire le hijra ftutina et il a délaissé din al-islam. Falihada Omar radiyallahu anhu il a dit anna hadha Allah il n'acceptera jamais son repentir. Aïe, il nous a laissé, il a délaissé son din. Falamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus tard il a fait l'hijra ila al-Madina. Fa anzala Allah ta'ala fihim wifqa qawlina wa qawlihim li anfusina. Omar il a rapporté un, quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hijra, Allah il a descendu, il a révélé un verset par rapport à cette histoire. قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه quand il a entendu ce verset et il a compris le معنى قال فكتبتها بيدي في الصحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص رحمة ومحبة ونصح vu qu'il le connaissait. La chacun a, si ils se sont donné rendez-vous avec Hisham pour faire l'hijra, tu fais l'hijra avec des gens que tu connais, des gens à qui tu as confiance. Omar radiallahu ta'ala anhu, quand il a entendu ce verset, et ce verset pour le résumer, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ne désespère jamais. ولو الإنسان il a délaissé son دين, ولو un juif, un chrétien, un mouchrik, il veut se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte son repentir. Enfin, ce verset, c'est avant la mort. أما قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به, ça c'est après la mort. فالإنسان إذا مات على الكفر, خلاص, il meurt en étant كافر. Et le kafir rentre en enfer éternellement. Mais avant la mort, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout. Enfin, Omar radiallahu anhu, quand il a eu connaissance de ce verset, il a voulu informer Hisham. Pourquoi? Pour que Hisham il ne désespère pas. Cette erreur, cette faiblesse, Omar radiallahu anhu, il a voulu lui faire parvenir ce verset pour lui faire comprendre, « Tu peux te repentir et revenir. » قال فقال هشام بن العاص فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى وصعد بها فيها وصوب. Ça, ça nous montre mada. Ça nous montre que un verset, il faut le répéter, le répéter, le répéter. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite pour le comprendre. Enfin, au début, Hisham, il lisait ce verset, il ne le comprenait pas. Pourtant, ce verset, il est en langue arabe claire et Hisham, il fait partie de Quraysh. Et il maîtrisait parfaitement la langue arabe, c'était leur langue maternelle. Cette langue, il parlait avec home chez eux. Donc, il, niveau langue, il a très bien compris le verset. Lakin, Il l'a relu. حتى قلت اللهم فهنيها. انظروا. Il avait délaissé son din à cette époque et il a fait هذا الدعاء. Ya Allah, fais-moi comprendre ce verset. Et نحن لا بد نكثر من هذا. Certains مسائل, certains sujets. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te fasse comprendre. قال فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. ثم هشام il a compris, ce verset il est descendu sur lui. Il est descendu sur lui, l'imam, لأنه il pensait que c'était trop tard, il a désespéré. Et كذلك il est descendu sur ceux qui disaient أنه c'est trop tard, ils ne peuvent plus se repentir. Enfin, Allah il a descendu ce verset pour montrer que c'est pas trop tard. Celui qui veut se corriger, se repentir, les portes elles sont ouvertes. قال رضي الله عنه فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فألحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. هذه كذلك une autre فائدة عظيمة. أن الهجرة quand tu es convaincu, tu es motivé, ne repousse pas أخي الكريم. انظر هذا الصحابي, la première fois quand il n'est pas venu, la deuxième fois quand Allah il a guidé son cœur et il est re-rentré vu l'islam, directement il est monté sur sa monture et il a fait l'hijra, il a rejoint le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-hidayah lil jami'a. Al-qissa rawaha Ibn Ishaq dans son livre Sirah, ou plutôt la Sirah de Ibn Hisham, et Sheikh Muqbil rahmatullah alayhi hassanaha fi al-jami'a al-sahih. Donc hadhihi qissat hijrat Umar radiyallahu anhu ila al-Madina. أما مشاركة عمر في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك ديتايغا با إن شاء الله تعالى سيتغا هذا ان ديتاي دون لي كورس سور لا بيوغرافي دو بروفيت صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال في مناقب أمير المؤمنين, سي اون ريفيرونس لو ليفر دو ابن الجوزي, مناقب أمير المؤمنين اي لي ميريت دو شيف دي كرويون عمر. اتفق العلماء على أن عمر رضي الله تعالى عنه شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, لم يغب عن غزات غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Toutes les batailles que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait, عمر رضي الله تعالى عنه il était présent selon l'unanimité des savants, et ça c'est من أعظم فضائل عمر. أما ses mérites فكثيرة جدا رضي الله تعالى عنه. Parmi les mérites de Omar, أنه في partie de المبشرين بالجنة، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، والسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة أي بن الجراح في الجنة. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي كذلك من رواية نطق حديث عن سعيد بن زيد إلا غابورتي بنحو هذا اللفظ توسي الحديث سن أوتنتيك. وروى الشيخان أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال من فوز تشهد البخفة محمد عليه الصلاة والسلام إلى البخفة صلى الله عليه وسلم إلى غادي بين أنا نائم رأيتني في الجنة إلى في أنغيب عليه الصلاة والسلام أنه إلى توبغاد فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر إلى في أنفام qui faisait l'eau à côté d'un château, filjanna, d'un palais. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, c'est à qui ce qasr, ce château ? Qalu li Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc, ils ont répondu, c'est à Umar, c'est pour Umar. Fa qala al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre riwaya, fa arattu an atkhula. Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu rentrer dans ce château. Thumma qala... فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا ثم رضي الله عنه il a pensé à أن عمر il avait de la غيرة de la jalousie فالle prophète صلى الله عليه وسلم il a pas voulu rentrer. Quand عمر il a entendu هذا الحديث بكى il était présent فبكى رضي الله عنه il a pleuré et il a dit عليك أغاري يا رسول الله et est-ce que je vais t'envier أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا سمونت خنا عمر. Il était vivant et le prophète صلى الله عليه وسلم lui avait annoncé plusieurs fois qu'il rentrerait في الجنة. ثانيا parmi ses mérites كذلك أن عمر c'était من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il faisait partie des hommes que le prophète صلى الله عليه وسلم il aimait le plus. كما جاء في حديث عمر ابن العاص رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على الجيش ذات السلاسل فأتيته فقلت دونك عمر ابن العاص il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك c'est qui la personne que tu aimes le plus فقال صلى الله عليه وسلم عائشة فقلت من الرجال فعمر après avoir entendu la réponse عائشة أي l'épouse du prophète عليه الصلاة والسلام il lui a dit parmi les hommes فقال صلى الله عليه وسلم أبوها et son père, Abu Bakr, radiyallahu anhu. Qultu thumma man. Thumma il lui a dit après Abu Bakr, qala thumma Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Al-hadith muttafaqun alayhi. Kadhalik min fadail Umar, radiyallahu anhu, shiddatu mahabbatihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rawa l'imam al-Bukhari, an Abdillah ibn Hisham, radiyallahu anhu, qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa akhidun, بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي مرة إذا تعبك النبي صلى الله عليه وسلم إلى بخفة صلى الله عليه وسلم يتنال عمد عمر عمر البادي يا رسول الله لأنت أحب إلي أي tu es la personne que j'aime le plus إلا من نفسي sauf moi-même أي tu es la personne que j'aime le plus par rapport aux autres sauf moi-même. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit لا jusqu'à ce que tu m'aimes plus que toi-même. فقال رضي الله عنه فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. هذا سمونت أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه إلى ما البروفيت صلى الله عليه وسلم plus que lui-même et هذا ça doit être le but de chaque musulman faire des efforts pour aimer le prophète محمد صلى الله عليه وسلم plus que sa propre personne plus que ses enfants وهذه المحبة تظهر في أمور c'est pas مجرد الدعاء c'est pas مجرد une parole là aimer le prophète صلى الله عليه وسلم plus que les autres plus que soi-même parmi les fruits qui doivent qui doivent apparaître min hadhihi al-mahabba, anna tu fais pas passer autre chose avant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam abadan. كذلك من فضائله رضي الله عنه le hadith que Abu Huraira رضي الله عنه il a rapporté قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكو في أمة أحد فإنه عمر. الحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة وهكذا عن أبي هريرة. شيخ العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين قال يعني ملهمون للصواب أي قوله محدثون. Ils ne recevaient pas la révélation. Les gens qui reçoivent la révélation, c'est des prophètes. Voilà, chacun a le dernier des prophètes, c'est notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. لكن قوله محدثون أي ملهمون للصواب. أي الله سبحانه وتعالى leur facilité الصواب. أي que la vérité, elle sort de leur bouche. فparmi هؤلاء عمر رضي الله تعالى عنه. Et شيخ ابن عثيمين l'a fait un tambih مفيد هنا. Ce genre de hadith, ça ne veut pas dire que Omar radiallahu anhu, il était meilleur que Abu Bakr. Il y en a un hadith, peut se poser la question, pourquoi Omar, il a été cité et pas Abu Bakr radiallahu anhum ajma'in. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a répondu أن لا شك أن أبا بكر الله سبحانه وتعالى وفقه للصواب dans plusieurs choses. Plusieurs choses. Et ça montre فضله على Omar وعلى جميع الصحابة radiallahu anhum. Comme ce qu'on a vu dans la première partie, la biographie de Abu Bakr, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Et Abu Bakr, il est intervenu. Wahakada, après la mort du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand il fallait tuer ceux qui ne voulaient pas donner la zakat. Alors que Omar, il avait un qawl et Abu Bakr, il a choisi un autre qawl. Et là, chacun a la vérité, elle était avec Abu Bakr. Enfin, il n'y a aucun doute, wahada bil ijma' anna Abu Bakr radiyallahu anhu, c'était afdal. Et c'est afdal هذه الأمة après le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Cheikh l'Islam Taymiyyah et son élève Al-Qayyim, ils ont expliqué cette mas'ala. On peut citer un exemple مما وفق به عمر للصواب. On peut citer un exemple sur ce point pour mieux éclaircir. ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. عمر رضي الله عنه une fois il a conseillé au prophète صلى الله عليه وسلم de dire à ses épouses de mettre le hijab. Il y a des personnes qui rentrent chez lui. فأنزل الله آية الحجاب. Juste après Allah سبحانه وتعالى il a révélé le verset du hijab. أي قوله عز وجل وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب ذلك مطهر لقلوبكم وقلوبهم الآية من سورة الأحزاب. Et beaucoup d'exemples في هذا الباب لكن on se contentera de un exemple لأن الوقت il est قصير. كذلك من فضائله parmi ses mérites رضي الله تعالى عنه et c'est lié au point précédent أن الله سبحانه وتعالى il lui a donné énormément de علم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ رأيت قطحا أتيت به فيه لبن. مرة النبي صلى الله عليه وسلم il a fait un rêve et il a vu dans ce rêve أنه on lui a donné صلى الله عليه وسلم قدح un récipient avec du lait. قال فشربت منه حتى إني لا نعم حتى إني لا ألا نعم حتى إني لا أرى الريا يجري في أظفاري. نعم النبي صلى الله عليه وسلم il a tellement bu que du lait sortait de ses ongles. هكذا il a vu dans ce rêve. ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال après avoir bu il a donné le reste à عمر. Ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم فما أولت ذلك يا رسول الله. Comment tu as interprété ce rêve? فقال صلى الله عليه وسلم العلم. Il a interprété le lait par العلم. Enfin, celui qui voit أنه boit du lait dans un rêve, هذه c'est une bouchra. المفسرون, ils expliquent, ils interprètent العلم dans les rêves, le lait dans les rêves par العلم en se basant sur ce hadith. Et هذا ça montre فضل من فضائل عمر. أما ورعه وتقواه وخوفه من الله عز وجل فأنا de nombreux hadith في هذا أنه إكخني الله سبحانه وتعالى جدا. C'était un zahid, c'était un homme pieux, c'était le meilleur de cette communauté. Après Abu Bakr radiallahu ta'ala an, et bien sûr après le prophète alayhi salatu salam. Fa'an Zayd ibn Aslam, rahimahullah, qala, shariba Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu labanan fa'ajaba. Une fois Umar radiallahu ta'ala anhu, il a bu du lait, et ce lait lui a plu. Fa'sa'ala alladhi saqaha min ayna hadha al-laban. Il a demandé à celui qui lui a servi ce lait, d'où est-ce qu'il a, où est-ce qu'il a trouvé هذا اللبن سله؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه. فإذا نعم قال فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون. أي lui a informé أنه c'était du lait, un troupeau de الصدقة. أي le butin des musulmans. Et il a pris ce lait de ce troupeau. فquand il a informé Omar رضي الله عنه. Et c'était pas le lait de sa propre bête, là. C'était des bêtes qui appartenaient à la communauté. Et il a pris ce lait. Et il a donné à Omar. Enfin, Omar, quand il a été informé, Adkhala radiyallahu ta'ala anhu yadahu fastaqa. Quand il a su que c'était pas son lait qu'il avait pris de ce troupeau de as-sadaqa, il a fait rentrer son doigt dans sa bouche, dans sa gorge, et il a vomi tout le lait. Al-Qissa rawaha al-Imam Malik fi al-Muwatta. Ça montre al-Wara' wa al-Khawf min Allah. Et toutes ces histoires, tous ces récits, on le répète, nahnu, on s'entraide pour les étudier ensemble, les lire, les propager, li al-Amal. Matalan la qissa qu'on a vu fi al-Hijra, ça doit nous donner de la motivation. Ça doit kadhalik nous pousser à nous entraider. Ta'ammalou l'entraide d'Omar radiallahu anhu, il a été la cause, il a envoyé cette nasiha à son frère. Ce verset du Coran al-Karim, ça a été la cause que Hicham, il est re-rentré vu dîner l'islam et il a fait l'hijra. Wa najjahou Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a sauvé. Hakadan, t'as essayé d'être une cause pour aider ton frère. Wa hakadan, hadhihi al-qissa, si tu as des doutes, mibabi awla si hadha al-mal ou cette nourriture c'est du haram, fa crains Allah. Fa haoula, c'est nos modèles. Après le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa fi sahih al-Bukhari, an al-Miswar ibn Makhramah radiyallahu anhu qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wallahi law annali tila' al-ard dhahaban laftadaytu bihi min 'adhab Allah 'azza wa jalla qabla an ara. Fi sahih al-Bukhari, هذا الصحابي المسور رضي الله عنه الى انفهم ان عمر رضي الله عنه الى هذا الى جوري رضي الله عنه انه سي بوسيدي toute cette terre, l'équivalent de cette terre en or, لافتديت به, il aurait été pensé tout cela pour échapper au châtiment d'Allah سبحانه وتعالى مع انه النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه. هؤلاء الاخيار رضي الله عنهم, il ne se reposait pas sur ce qu'il faisait. Malgré que c'était atqa an-nas, a'lam an-nas. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam zakkahum. Bal Allah subhanahu wa ta'ala, il les a cités dans le Coran. Wa ma'a hadha, il ne se reposait pas sur cela. Da'iman al-jid wa al-ijtihad, jusqu'à ils sont morts radiyallahu anhum. Fa hakadha nahnu. Bal nahnu, notre situation avec toutes nos faiblesses, tous nos manquements, etc. On doit faire attention. Omar radiyallahu ta'ala anhu, il avait une garantie. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a promis le paradis. Wa la shak anna kalam ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité. Amma ana wa anta, on a aucune garantie. Fa ma hadha ta'ammal la hadha al-wara', cette crainte d'Allah qu'Omar il avait. Wa hakadha an Zayd ibn Wahb qala, mat rajul min al-munafiqin fa lam yusalli alayhi Hudhayfa radiyallahu anhu. Un homme parmi les hypocrites, il est mort. Et Hudhayfa radiyallahu anhu, il n'a pas fait salat sur lui. Et comme on a dit il y a quelques jours dans un tars, Hudhayfa radiyallahu anhu, il avait la liste des hypocrites. Fallait quand il ne faisait pas salat sur quelqu'un, c'était un signe. Robbama, c'était un hypocrite. Omar radiyallahu ta'ala anhu, quand il a vu cela, il est parti voir Hudhayfa, il lui a dit, Amin al-Qumhu, est-ce que c'est un hypocrite? C'est pour ça que tu n'as pas fait salat? Hudhayfa قال نعم, il lui a dit نعم, oui c'est un hypocrite, c'est pour ça que je ne fais pas salat sur lui. فقال عمر رضي الله عنه بالله منهم أنا, il lui a demandé بالله, est-ce que je fais partie de moi aussi? فقال حذيفة رضي الله عنه لا ولن أخبر به أحدا بعدك, il lui a dit tu ne fais pas partie des hypocrites et j'informe plus personne après toi. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة دون سو مصنف البزار اي دوتر. الشيخ مقبل رحمه الله عليه حسنها في الجامع الصحيح. ابن حبان كذلك لا رابورتي كما في كشف الاسدار. كذلك من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه ان الشيطان كان يفر منه, ان الشيطان الفوي كنت يفوي عمر. في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا أي طريقا إلا سلك فجا غير فجك. لبروفيت صلى الله عليه وسلم إلى جوري أن الشيطان quand il croise عمر في طريق dans un chemin il change de chemin. لماذا؟ لأن تقوى الله عز وجل, الله سبحانه وتعالى إلى إلوفي هذا الرجل لإخلاصه. Il était sincère رضي الله عنه. Il aimait le prophète محمد عليه الصلاة والسلام. Il aimait دين الإسلام. Il a fait beaucoup de sacrifices. Sa vie l'a sacrifié pour هذا الدين. فالله سبحانه وتعالى إلا إلوفي إلا بخزاري. هكذا الله سبحانه وتعالى il préserve ses alliés de cet ennemi. Si on craint Allah, si on respecte les commandements d'Allah Azza wa Jal, si on fait des efforts pour suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous préservera de cet ennemi shaitan et de ses alliés. Min fada'il Umar radiyallahu ta'ala anhu kadhalik anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a conseillé de suivre Umar. An Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. Ça c'est une إشارة أن سالت les deux califes après le prophète محمد عليه الصلاة والسلام. Il a cité les deux. قال عليه الصلاة والسلام suivez ces deux hommes après moi, أبو بكر et عمر. هذا ça nous montre كذلك أن notre دين on doit le comprendre avec la compréhension de هؤلاء. Et حذر de ne pas comprendre ton din avec la compréhension de autres que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lian al-huda, la guidée, elle était à leur époque. La science, elle était à leur époque. La bonne compréhension, elle était à leur époque. Le Coran, il est descendu à leur époque. Fahdhar. Et min al-gharib, on vient à une époque, anna ba'd al-nas, min a'da'illah, min al-kafara, min al-yahoud, wal-nasara, wal-malahida, ils essayent de nous écarter du chemin de ha'oula pour qu'on comprenne l'islam avec la compréhension des ennemis de l'islam. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُضْلَانِ وَنَسْأَلُ اللَّهَ الثَّبَاتِ. Le dernier hadith رواه الإمام الترمذي الشيخ الألباني للصحاح في صحيح الترمذي. أما خلافة عمر, أما son califa رضي الله تعالى عنه, فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في التلخيص الحبير حديث أن أبا بكر عهد إلى عمر أي بالخلافة هو مشهور في التواريخ الثابتة. Et non, هذا il n'y a aucun doute dans plusieurs récits, notamment dans les livres d'histoire, Al-Bidaya wal-Nihaya et autres, أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وسيأتي معنا à la fin, ou plutôt là, à la fin سيأتي معنا, بل تقدم معنا plutôt في سيرة أبي بكر, أن à la fin avant de mourir, il a ordonné que le calife après lui, ça doit être Umar. On peut citer هنا un athar, أخرجه ابن سعد في الطبقات عن عبد الرحمن ابن عوف أنه قال لما استعز بأبي بكر الصديق, أي استعز أي المرض, quand sa maladie elle s'est aggravée, دعا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فقال له أخبرني عن عمر ابن الخطاب. Quand Abu Bakr رضي الله عنه sa maladie elle s'est aggravée, et il sentait qu'il allait mourir. Et il a demandé à Abdurrahman ibn Auf, le sahabi al-Jalil, il fait partie kadhalik des compagnons qui ont eu la bonne annonce qu'ils rentreraient fil Jannah alors qu'ils étaient encore vivants. Il lui a demandé à Umar, informe-moi sur Umar. Faqala Abdurrahman ibn Auf, ma tas'aluni an amr illa wa anta a'lamu bihi minni. Thumma qala huwa wallahi afdal min ra'yik fihi. Il lui a dit, tu me demandes une chose et toi-même tu sais mieux que moi. Et pour lui montrer, ou plutôt pour affirmer, pour renforcer l'avis de Abu Bakr, annahu c'est le meilleur après lui. Thumma da'a Uthman, thumma il a appelé Uthman, radiyallahu anhu. Et il lui a demandé, akhbirni an Umar. فقال عمر رضي الله عنه، فقال عثمان رضي الله عنه: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. عثمان الوديس كجكون دو ستم دو عمر رضي الله عنه أن son intérieur السريرة c'est ce que tu vois à l'intérieur c'est encore mieux que ce qui fait apparaître. وأنه ليس فينا مثله. Et parmi nous il n'y en a pas un qui est comme lui. Et c'est le meilleur. ثم بعد ذلك دعا أبو بكر عثمان رضي الله عنه فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من عهد أبي بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، إني استخلفت عليكم بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاسمعوا له وأطيعوا. ثم أبو بكر رضي الله عنه إلى أردن عثمان ذكر cette wassiya que Abu Bakr radiyallahu anhu, il ordonne que le calife après lui, ça sera Omar, et il ordonne à tout le monde d'écouter et d'obéir. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى تنفيذ عهده إلى عمر رضي الله عنه. L'unanimité des compagnons, أنهم ils ont accepté le califat d'Abu Bakr bien sûr, et كذلك quand il a désigné après lui عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ومن الله سبحانه وتعالى على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق رضي الله عنه أن استخلف عمر الفاروق رضي الله عنه. Ça c'est un énorme bienfait d'Allah سبحانه وتعالى sur la communauté. أنه il a facilité à Abu Bakr dans ce moment précis de désigner après lui comme gouverneur, comme imam, comme amir pour toute la umma الفاروق رضي الله عنه. فقام في الأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليه السلام على مثله وقوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بأكمل بكمالها. أي نعم. Cette époque que الصحابة رضي الله عنهم ils ont vécu après la mort d'Abu Bakr, le califat de Omar il a duré 10 ans. Ces 10 ans الله سبحانه وتعالى عز الإسلام أكثر وأذل الشرك والمشركين أكثر وانتشر الإسلام جدا. الإسلام s'est propagé énormément cette période, ces 10 années. قال فتح أو فتح نعم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها. Toute la région du Sham, l'actuelle Syrie, la Palestine, le Liban, la Jordanie, etc. C'est ça la région du Sham. C'est devenu des musulmans. قال وديار مصر كذلك l'Égypte. قال وأكثر إقليم فارس كذلك la région de فارس l'Irak, l'Iran. قال وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان. بل الله سبحانه وتعالى فتح عليه عمر et son armée رضي الله عنهم أجمعين ils ont eu le dessus sur كسرى et sur les Romains. كما سيأتي شيء من هذا إن شاء الله. أما أعماله في خلافته فكثيرة جدا. أما les récits authentiques, tout ce qui s'est passé dans cette période, ces 10 années, ils sont très très nombreux. Et on va en citer quelques-uns en guise d'exemple فقط. قال النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات: ثم قام عمر رضي الله عنه في الخلافة أتم القيام وجاهد في الله حق جهاده فحبز فجيش الجيوش وفتح البلدان ومصر أي بنى الأمصار وأعز الإسلام وأذل الكفر الشد إدلال. هذا كما تقدم لعبغلد الإمام ابن كثير. أما مبسطين قصة كي منطق عدل la justice de أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه et كذلك sa miséricorde envers la communauté et كذلك قيامه بالحق أنه il a rempli sa responsabilité de أمير المؤمنين أتم القيام. هذه القصة كلمة محمد إلى رابورتي في فضائل الصحابة عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حرة حتى إذا كنا بصرار أي un بئر un puits إذا نار. Ils sont sortis مرة avec عمر et ils sont arrivés à un endroit أي vers المدينة et ils se sont arrêtés vers un puits et ils ont vu du feu. Ils ont vu un feu, une personne qui allumait un feu. فقال عمر رضي الله عنه: يا أسلم إني لا أرى ها هنا راكبا قصر بهم أو نعم ركبا قصر أو قصر بهم الليل والبرد انطلق بنا et c'était en pleine nuit et c'était une période où il faisait assez froid فعمر رضي الله عنه il a dit هؤلاء ils sont bloqués à cause du froid dans cette nuit ils ont allumé ce feu enfin on va voir s'ils ont besoin de quelque chose قال فإذا بامرأة معها صبيان صغار quand ils sont arrivés ils ont trouvé une femme avec des enfants en bas âge وقدر منصوب على النار قدر c'est une marmite qui était posé sur ce feu. Et les enfants de cette femme, ils criaient, ils pleuraient. Donc il a passé le salam à cette femme et ses enfants. Elle a répondu au salam. Elle s'est retrouvée bloquée avec ses enfants dans cet endroit à cause de la nuit et du froid. فقال عمر رضي الله عنه فما بال هؤلاء الصبيان يتصاغون ثم il a demandé à cette femme pourquoi ces enfants ils pleurent. قالت الجوع. Elle a répondu ils ont faim, ils n'ont pas mangé. قال فأي شيء في هذا القدر ثم عمر رضي الله عنه il a demandé à cette femme mais cette marmite qui est sur le feu enfin, qu'est-ce qu'il y a dedans. قالت ما أسكنهم به حتى يناموا. Elle a simulé, elle a une chose était en train de cuire. Hatta ses enfants, Obama, ils voyaient cette chose, thumma ils s'endorment. Wa illa, il n'y avait rien. Elle n'avait rien. Radiallahu anha. Faqalat ma askanuhum bi hatta yanamu. Wallahi, ou plutôt wallahu, na'am bi adham. C'est important, les nations mènent kasra, wallahi, c'est juré. Amma huna qalat wallahu. Elle a informé, anna allaha baynana wa bayna Umar. ثم قال دي عمر رضي الله عنه et elle ne savait pas que c'était Omar. C'était en pleine nuit, Obama ne l'avait jamais vu auparavant. Fala dit entre nous et Allah wallahu baynana wa bayna Omar. Ay le معنى ان cette situation ça cause de Omar, c'est lui qui nous gouverne, ça cause de lui cette situation et Allah subhanahu wa ta'ala il lui demandera des comptes. هذا المعنى. Omar il a entendu هذا. فقال رضي الله عنه أي رحمك الله وما يدرى عمر بكم ثم عمر il lui a dit qu'Allah te fasse miséricorde peut-être que Omar n'est pas au courant قالت يتولى عمر أمرنا ثم يغفل عنا elle lui a dit et comment il n'est pas au courant هو c'est lui le chef de la communauté c'est lui l'émir et il nous laisse comme ça il ne fait pas attention à nous حتى on atteint ce niveau nos enfants ils mangent pas فقال أسلم فأقبل علي فقال انطلق بنا Quand Omar il a entendu هذا, il est reparti عند Aslam et il lui a dit "Entalik bina." Fa kharajna nuharwil, ils ont quitté cette femme en se précipitant hatta atayna dar ad-daqiq. Dar ad-daqiq c'était un endroit c'était pour la communauté, un endroit où un entrepôt où ils mettaient ad-daqiq où ils mettaient la farine et certains aliments pour ceux qui ont besoin pour les nécessiteux. قال فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم فقال لأسلم حمله علي il a pris un sac de farine رضي الله عنه et il a pris كذلك un autre sac où il y avait شيء من الشحم de la graisse de la viande فقال حمله علي il a dit أسلم mets-le sur mon dos فقلت أنا أحمله عنك أسلم il lui a dit أمير المؤمنين c'est moi qui va le porter قال عمر أنت تحمل عني وزري يوم القيامة Est-ce que c'est toi qui vas porter mes fardeaux le jour du jugement? L'anna Omar, al-Zahid, al-Taqi, ce mouqif, il l'a touché jiddan. Falihada, il a voulu tout faire de lui-même. Qala wa antalaqtu ma'ahu ilayha. Ils sont repartis عند هذه المرأة. Qala fa'alqa dhalik indaha wa akhraja min al-daqiq shay'an faja'ala yaqul dhurri alayya wa ana uharrik lak. Il a emmené ce sac vers cette femme. Ils ont ouvert le sac. Ils ont mis la farine dans la marmite. Ils ont mis de l'eau. Et il a dit à la femme, « Ainsi tu remues et je verse. » Amir al-Mu'minin. Lui-même, il s'est baissé et c'est lui qui soufflait en dessous de la marmite. Et pour le feu, pour rallumer le feu. « قال أسلم ودخان النار يتخلل لحيته. » تعلمون أن Anna, quand tu souffles sur des braises pour rallumer le feu, rien à la fumée, elle te revient en pleine face. Enfin, Aslam, radiallahu anhu, il a vu cette fumée qui revenait sur la barbe de Omar. ثم جعل يقول أطعميهم وأنا أصطح لهم أي حتى يبرد. Il a dit à cette femme, donne-leur à manger et Anna, je remue, je fais refroidir pour donner aux autres. فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى شَبِعُوا وَتَرَكَ عِنْدَهَا فَضْلَ ذَلِكَ. Il a fait cela pendant un certain moment jusqu'à tous les enfants, ils ont mangé. وَالشَّبِعُوا. Ils ont été rassasiés. فَقَامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقُمْتُ مَعَا فَجَعَلَتْ تَقُولُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا كُنْتَ أَوْلَى بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. Quand il a fini, il s'est levé, la femme elle lui a dit جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا. Et elle lui a dit, tu mérites plus cette place que Amir al-Mu'minin. Alors que c'était lui, radiyallahu anhu. فَقَالَ لَهَا قُولِ خَيْرًا إِذَا جِئْتِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَدِّثِينِ هُنَاكَ إِنْشَاء اللَّهِ. Il lui a dit, dis que du bien. Et quand tu viendras voir Amir al-Mu'minin, on se verra, هناك, on se verra là-bas. Et il ne lui a pas informé que c'était lui, radiyallahu ta'ala anhu. ثُمَّ قُلْنَا لَهَا. Ils lui ont dit, après cela, Omar, إِنَّ لَنَا شَأْنًا غَيْرَ هَذَا. Ils lui ont dit, Omar, on a beaucoup de choses à faire. Qu'un homme, ils lui ont dit, on se dépêche pour partir. وَلَا يُكَلِّمُنِي حَتَّى رَأَيْتُ الصِّبْيَ يَسْتَرِغُونَ ثُمَّ نَامُوا وَهَدَأُوا. Omar, il n'a pas bougé. Jusqu'à ce qu'il a entendu que, il a attendu Naam, que les enfants, ils arrêtent de pleurer après avoir mangé et ils dorment. Après avoir dormi, فَقَالَ عُمَرْ يَا أَسْلَمْ إن الجوع أسهرهم وأبكاهم فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت. Il a dit, أسلم. Ils ont pleuré. لماذا؟ لأنهم ils ont pas mangé. Parce qu'il était tard. Ils avaient besoin de dormir. Enfin, je n'ai pas bougé. حتى ils ont plus faim et ils dorment. ثم ils sont partis. هذه القصة في فضائل الصحابة de الإمام أحمد رحمه الله. أما الفتوحات في عهد عمر، الفتوحات les conquêtes فكثيرة جدا. On va en citer trois باختصار. وإلا ça serait trop long. Et le but de cette série c'est de faire une biographie en cours. حتى c'est plus facile, c'est plus résumé. وإلا في الحقيقة la biographie de عمر normalement c'est une série de cours. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذلك pour plus tard. وإلا في الفتوحات Les trois plus connus, la première, Ma'rakatu al-Yarmouk. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح موضع من نواحي فلسطين. C'est un endroit في الشام, al-Yarmouk. Et il est connu jusqu'à aujourd'hui بهذا الاسم. وفي كتب التاريخ وقعت معركة اليرموك نعم سنة 13 نعم la 13e année de l'Hégire. في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم مات في منتصف المعركة واستخلف عمر رضي الله عنه من بعده. Celui qui a commencé هذه المعركة c'est Abu Bakr. ثم pendant cette conquête il était à Al-Madinah هو لكن il a envoyé son armée رضي الله عنه et au milieu de cette conquête il est mort et après lui Omar c'est devenu le Khalifa et Omar il a continué. كذلك في كتب التاريخ dans les livres d'histoire كالبداية والنهاية فيذكرون أن عدد الروم معركة اليرموك c'était contre les Romains. عدد الروم le nombre des romains des nasara des chrétiens في هذه المعركة 40,100 مقاتل. Ils étaient نعم 240,000 الروم les chrétiens. والمسلمون 36,000 et المسلمون ils étaient 36,000. تأمل 36,000 contre 240,000. النصر c'est من عند الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين هكذا قال الله عز وجل. Vu que هؤلاء ils étaient sincères, c'était des mouhidoun, ils aimaient l'islam, ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que eux-mêmes, plus que leur propre personne, Allah subhanahu wa ta'ala nasrahum, Allah il leur a donné le secours. تأمل أن الروم à cette époque c'était une des grandes puissances. مع هذا الصحابة رضي الله عنهم avec ce petit nombre 36,000 contre 240,000, ils ont eu la victoire très vite, بإذن الله عز وجل. وظهر بطولات عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Eh, نعم. Cette bataille à l'Yarmouk, il faudrait la détailler. هذه فقط dans une كلمة. Beaucoup de choses qui se sont passées. وهزموا بإذن الله, ou هزموا بإذن الله عز وجل معسكر الروم. وهزموهم الشد الهزيمة. نعم. Ils ont eu le dessus et ils ont infligé, radiallahu anhum, une énorme défaite à Ha'oula al-Mushriki. La deuxième bataille, la deuxième conquête, Ma'rakatu al-Qadisiyya. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق أعجب منها. Cette deuxième bataille c'était contre Al-Furs, contre les Perses. Enfin, ces deux empires qui dominaient à l'époque, خاصةً cette région. Ar-Rum, direction du Sham, et la Palestine, la Syrie, la Jordanie actuellement, et Al-Furs, l'Irak et l'Iran, cette région. Enfin, Umar radiallahu anhu كذلك إلى كومبات هؤلاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أو تقدم قال النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات القادسية بينه وبين الكوفة نحو مرحلتين وبينه وبين بغداد نحو خمسة مراحل. نعم c'était la région de l'Irak. وفي كتب التاريخ العلماء يذكرون أن هذه المعركة وقعت سنة 14 l'année 14, بعضهم يديز la 15e année de l'Hégire. Et juste après Al-Yarmouk. وكان قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص. عمر رضي الله عنه, il était في المدينة et il a désigné comme chef سعد بن أبي وقاص. C'était lui le chef de l'armée. Et ils sont partis de la Médina en direction de l'Irak. ومعه أكثر من 30 ألف. كذلك, ils étaient un peu plus de 30 000. وكان عدد الفرس 120 ألف. أو أكثر. أما les Perses, ils étaient plus de 120 000. وهذه المعركة ولله الحمد قضت على قوة الدولة الفارسية. Depuis ce jour-là, ولله الحمد, هذه الدولة الظالمة, دولة فارس, المشركين, les Perses, à l'époque de Omar رضي الله عنه, les musulmans, ils ont le dessus sur eux, ولله الحمد. C'est pour ça que أحفاد هؤلاء, les مشركين, الروافض, الزنادقة, la descendance de Haoula, les Perses d'aujourd'hui qui vivent en Iran, فليهذا, tu les trouves, c'est min أشد الناس حقدا وبغدا وطعنا في أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنهم ils savent la défaite et ce qu'il a fait subir à leurs ancêtres. فليهذا, jusqu'à aujourd'hui, et ils ont encore de la rancœur et de la haine envers Omar. أخزاهم الله ورضي الله عن عمر. أما la troisième معركة, la troisième conquête, Fath Bayt al-Maqdis. Hey, ils ont envahi, wallillahi alhamd, et ils ont conquis la Palestine. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما فرغ أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه من فتح دمشق كتب إلى أهل إيليا. إيليا c'est Bayt al-Maqdis. Donc quand ils ont réussi à envahir Dimashq, Dimashq, c'est l'actuelle capitale de la Syrie, elle est juste à côté de la Palestine. Enfin, le Amir, Abu Ubaid ibn al-Jarrah, il a écrit une lettre à Haoula, au gouverneur de Bayt al-Maqdis. Yad'ouhum ila Allah wa ila l'Islam. Il les a appelés à se convertir. Ou le jizya, ou de payer l'impôt. Ou yu'adhinu bi harb. Ou qu'ils se préparent à la guerre. Une des trois. اسمعوا هذه العزة. نحن في une époque الآن on a le même problème avec اليهود المشركين الظلم الفجرة en Palestine, لكن on est dans une période de faiblesse. تأمل هؤلاء أنهم pour conquérir la Palestine, أنه الأمير أبو عبيدة بن الجراح كعمر رضي الله عنه il a envoyé, il leur a donné une de ces trois. إما vous vous convertissez, إما vous payez le jizya, إما préparez-vous à la guerre. فأبوا أن يجيبوا. Ils ont refusé de répondre. ثم حاصر بيت المقدس. ثم الصحابة رضي الله عنهم, ils ont fait un blocus autour de بيت المقدس. حتى أجابوا إلى الصلح. ثم ils ont répondu. Ils ont répondu à un صلح. Ils ont voulu faire un traité de paix. بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. Ils ont mis comme condition, alors ils sont prêts à négocier, à parler. لكن il faut que عمر, le chef des croyants, il soit présent. فصار عمر رضي الله عنه بجيشه إلى الشام. Ils ont informé عمر et عمر il s'est déplacé de la Médine en direction du Sham, en direction de la Palestine. ثم صار أمير المؤمنين رضي الله عنه من الجابية, أي un endroit في الشام, إلى بيت المقدس وحوله جيوشه وقادته. Il s'est déplacé avec son armée en direction de بيت المقدس. ثم وصل عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس وصالح النصارى بيت المقدس وكان يوما مشهودا تاريخيا أعز الله به الإسلام وأهله. ثم عمر quand il est arrivé, فالنصارى, les chrétiens qui vivaient à Beit al-Maqdis, ils ont abandonné et ils ont laissé Omar rentrer avec son armée. Et alhamdoulillah, sans combat ou lâcher. Al-Izza, on voit quand Allah subhanahu wa ta'ala, il secoue un peuple. Ça nous montre quoi, ya ikhwan? Ça nous montre un l'essentiel pour la communauté, c'est de faire des efforts fi at-tawhid ou fi l'iman. حتى الله سبحانه وتعالى يقذف أو يقذف في قلوب الأعداء الرعب. انظروا sans combat ولا شيء. أنهم ils ont accepté le traité إلى آخره. ثم ils ont laissé Omar rentrer. الحمد لله. Depuis ce jour, c'est devenu un état parmi les états de une contrée, une région de la communauté. قال وسلمت القدس لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل بيت المقدس وصلى فيه وكان ذلك في السنة الخامسة عشرة للهجرة. عمر il est rentré et il a fait الصلاة في بيت المقدس في المسجد الأقصى. نعم وفتح الله على يد عمر بلدان كثيرة. راجع البداية والنهاية تاريخ الإسلام tous ces livres qui traitent le sujet de l'histoire de la communauté. Et tu trouveras beaucoup de récits fi hada. Amma sa mort, radiyallahu an, wafatu, fa'an Anas, radiyallahu an, qala anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sa'ida Uhudan, wa Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman. Une fois, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le mont Uhud, et il est accompagné de Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman. Farajafa bihim, le mont Uhud, il a tremblé. فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك نبي والصديق والشهيدان والشهيدان رواه البخاري. Quand le mont Uhud il a tremblé, le Nabi صلى الله عليه وسلم il lui a dit أثبت, calme-toi, parce que sur toi il y a un prophète, un صديق, un véridique, et Abu Bakr, et deux martyrs, Omar et Uthman. Le hadith donc il est sahih al-Bukhari. Pourquoi on a cité ce hadith? لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا il a montré que عمر et عثمان ils mourront en tant que martyrs. وروى الإمام البخاري أيضا عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. بل عمر رضي الله عنه lui-même il a fait cette invocation. Il a demandé à Allah سبحانه وتعالى le martyr, de mourir en martyr, et كذلك de mourir dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أي المدينة. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فاستجاب الله هذا الدعاء وجمع له بين هذين الأمرين الشهادة في المدينة النبوية وهذا عزيز جدا. Ça c'est un énorme mérite. Allah subhanahu wa ta'ala il a exaucé son دعاء et il est mort en tant que martyr dans la ville du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. أما قصة مقتله رضي الله عنه أي le récit de son assassinat, de sa mort رضي الله عنه. الإمام البخاري l'a rapporté dans le صحيح عن عمر ابن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبينه أي عمر إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غدات أصيب. Le jour où عمر il a été poignardé رضي الله عنه, c'était في صلاة الفجر à midi, le matin. Et Amr ibn Maymoun, il était juste derrière Omar. Entre lui et Omar, il y avait Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, c'est un des proches de Omar. Radiyallahu anhu majma'i. قال فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني الكلب. أي أبو لؤلؤ المجوس. Quand Amr ibn Maymoun, il a entendu le takbir de Omar, et pour commencer salat al-fajr, il a entendu Omar dire قتلني الكلب. أي il m'a tué. Il m'a touché. قال حين طعنه فطار العلج. العلج c'est الرجل من كفار العجم. Ils appelaient هكذا les kuffars qui n'étaient pas arabes. Ils les appelaient علج. قال فطار العلج بالسكين ذات طرفين. هذا الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي il avait un poignard. في رواية صحيحة لابن سعد الطبقات قال ثم اشتمل أبو لؤلؤ على خنجر ذي رأسين قال فكمن من زوايا نعم من زاوية من زوايا المسجد في غلس السحر. أبو لؤلؤ dans une riwaya, ils ont rapporté qu'Anahu s'est caché dans un côté, dans un coin du masjid, ils ne l'ont pas vu. Rome, il faisait les rangs pour la salat. Et Talamoun, à cette époque, c'est pas comme aujourd'hui, des lumières partout, etc. Falihada qal fi ghalasi sahar. Fi ghalasi sahar, c'est à l'aube, il fait encore nuit. Le soleil ne s'est pas encore levé. Fa, il s'est caché dans ce coin du masjid. Fa lam yazal hunak hatta kharaja Umar, radiyallahu anhu. Il s'est caché hunak jusqu'à ce que Omar il sorte. Et il rentre au masjid et il se met à la place de l'imam, c'était lui l'imam, radiyallahu anhu. Qala لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه ثم الخبيث. Il est rentré dans les rangs et il poignardait tous ceux qui étaient à droite et à gauche. Il a poignardé Omar, ثم il a poignardé en passant par le rang à droite et à gauche. قال حتى طعن 13 رجلا. Il a poignardé 13 compagnons. مات منهم سبعه. 7 ils sont morts. فلما راى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا. Quand un musulman s'est rendu compte, il a ta'ammalu Amr ibn Maymoun qui était juste derrière Omar radiallahu anhu, il n'a pas compris. Bel, dans une riwaya, anhum, ils n'ont pas compris jusqu'à ce que Abdurrahman ibn Auf il récite. Il y en a quand Omar il a été touché, il a pris Abdurrahman ibn Auf qui était juste derrière lui par la main, il l'a mis à sa place imam. Et Abdurrahman il a commencé à réciter radiallahu anhu. Enfin, ils n'ont pas compris pourquoi c'est pas Omar l'imam. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, quand un homme il s'est rendu compte de ce qui se passe et il a vu Had al-Khabit en train de poignarder al-Muslimin, قال طرح عليه برنوس. Al-Burnus, c'est ce qu'on porte كثيراً aujourd'hui. Ils appellent ça Burnus Jilab. Enfin, il a jeté ce burnous sur lui. Quand il a réussi à le bloquer, à le maîtriser avec ce vêtement, avec ce burnous, et Abu Lu'lu, il a compris que khalas, il ne pouvait plus rien faire, il s'est poignardé lui-même, il s'est suicidé. Al-Khabith, akhzahullah. Wa tanawala Umar radiyallahu anhu, yad Abdurrahman ibn Auf ila akhir. Abdurrahman ibn Auf, donc il a pris Abdurrahman par la main pour qu'il continue la salat. فصلى بهم صلاة خفيفة. تأملوا même à ce moment ils n'ont pas délaissé la salat, ils n'ont pas coupé la salat. Ça nous montre أهمية الصلاة عند القوم رضي الله عنهم. فلما انصرفوا قال عمر يا ابن عباس انظر من قتلني. Quand ils ont fini la salat et les gens se sont dispersés, Omar il a demandé à Ibn Abbas, regarde qui c'est qui m'a poignardé. فقال غلام المغيرة أي أبو لؤلؤ un majusi, min faris, un pers, un khabith. Qala Umar radiyallahu anhu, qatalahu Allah. Laqad amartu bihi ma'rufan. Hakada al-mujrimoun, al-kafara al-mushrikoun. Anahum, ils ne reconnaissent pas le ma'ruf. Amir al-mu'minin, il a dit, amartu bihi ma'rufan. Pourtant, j'ai fait du bien pour cet homme. On dirait haoula comment il répond. Al-ulama yadkurun anna min al-ma'ruf anna Umar radiyallahu anhu, il l'a laissé vivre à Médine. Alors que c'était un majus, il aurait pu le faire sortir. Qala Umar alhamdulillah alladhi lam yaj'al maytati biyad rajul yad'i al-islam. Thumma hamida Allah, que c'est pas un musulman qui l'a poignardé. Qala Amr ibn Maymun, fahtumila Umar radiyallahu anhu ila baytihi fantalaqna ma'a. Thumma ils ont pris Umar et l'ont emmené chez lui. Fa utiya binabid fa shariba. An-nabid, imma de date ou autre. Fa kharaja min jawfi. Quand il a bu هذا النبيذ, il l'a directement recraché. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلم أنه ميت. ثم ils lui ont apporté un récipient avec du lait. Et quand il a bu رضي الله عنه, le lait il est sorti par la blessure qu'il avait au niveau du ventre. Enfin, le lait il est sorti par cette blessure et ils ont compris que il allait mourir رضي الله عنه. قال عمرو بن ميمون دخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين. هما لي جون ils ont commencé à venir pour le visiter رضي الله عنه. Et un jeune il est rentré et il a dit ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ce jeune il a dit ابشر, et il a dit à عمر, Anna, tu étais un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu fais telle chose, fais lui annoncer la bonne nouvelle. Anna, quand tu es à la khair et tu mourras à la khair. Faqala Omar radiallahu anhu, quand il l'a entendu, waditu anna dhalik kafafan la alayya wa la li. Il a espéré être neutre. Limaada li annahu radiallahu anhu al khouf min Allah. Qala فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. Cet homme, ce jeune homme, quand il a dit à Omar Abshir, il lui a annoncé la bonne nouvelle, etc. Thumma, il est parti, Omar il l'a vu, radiyallahu anhu. Il l'a vu partir et cet homme il avait un qamis, son vêtement, un izar qui traînait le sol. Faqala radiyallahu anhu, ruddu alayya al-ghulam. Omar il leur a dit, dites au jeune homme de revenir. Faqala ibn akhi, al-adab, fin nasiha. Ma'a annahu, c'est amir al-mu'mini. Ma'a, cet homme c'est un jeune homme. C'est pour ça, Omar radiyallahu anhu, il l'appelait Ghulam, un adolescent. Faqala ibn akhi, irfa thawbak. Il lui a dit, lève ton vêtement. Fa'innahu abqali thawbik wa atqali rabbik. Il lui a dit, lève ton vêtement. En levant ton vêtement, tu vas préserver ton vêtement, pour pas qu'il ne salisse, il se déchire, etc. Et kadalik, tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ma'adha liyanna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait informé que tout ce qui descend sous des chevilles, c'est finnar. Al-nasiha, même à ce moment. On vit à une époque, nous, dès que tu conseilles, certains ils disent, mais c'est pas le plus important. Mais arrête de forcer, arrête de kada. On voit le sahabi al-jalil radiyallahu anhu. Même à ce moment, al-nasiha wal-bayan. ثم قال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله انطلق الى عائشة ام المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام وقل يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يدفن مع صاحبه. ثم au bout de quelques temps, Omar رضي الله عنه, il savait qu'il allait mourir. Il a dit à son fils d'aller voir عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها, de lui passer le salam et de lui demander l'autorisation. De lui demander l'autorisation d'être enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Les ma'adali annahum, ils étaient enterrés chez Aïcha, dans l'appartement de Aïcha, dans un coin d'une chambre. Enfin, il a demandé la permission d'être enterré. Thumma qalu, awsiya amir al-mu'minin. Thumma, ils ont dit à Omar, désigne ton successeur, al-khalifa qui sera après toi. فقال رضي الله عنهم ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى. عمر رضي الله عنه, il a dit, je vais citer le nom de plusieurs hommes. النبي صلى الله عليه وسلم, il est mort et il était satisfait d'eux. ثم il a cité علي وعثمان والزبير والطلحة والسعد وعبد الرحمن ابن عوف. Il a cité ses six compagnons. Ils sont connus, et ceux qui se sont consultés après Omar pour désigner le Amir après Omar. قال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. ثم il a dit, mon fils Abdullah, كذلك il sera avec vous, لكن ليس له من الأمر شيء. لكن il ne dit rien. Il ne dit rien, il ne prend aucune décision, etc. بعض أهل العلم يقولون هذا هذا c'était pour faire plaisir à son fils, lui donner de l'importance, رضي الله عنه. قال عمرو بن ميمون رحمه الله فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم quand il est mort, رضي الله عنه, et ils l'ont sorti de chez lui et ils se sont dirigés vers l'appartement de Aïcha, رضي الله عنه. فعبد الله بن عمر, il a suivi le wasiyya de son père, il a frappé à la porte. ثم قال يستأذن عمر ابن الخطاب قالت أي عائشة رضي الله عنها أدخلوا. ثم il a demandé à Aïcha la permission de rentrer et elle les a fait rentrer. مع أن dans une riwaya Aïcha رضي الله عنها elle pleurait. Et elle a dit plutôt elle avait pensé à garder cette place pour elle. Et elle espérait que cette place elle soit pour elle. لكن quand عمر رضي الله عنه il a fait cette demande, elle n'a pas pu refuser. إكراما لعمر ولمنزلة عمر. Et Allah subhanahu wa ta'ala arada dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, ils soient enterrés dans cet endroit. قالت أدخلوا, faites-le rentrer. فأدخل, ils l'ont fait rentrer. فوضع هناك مع صاحبه. ثم ils l'ont enterré à côté de Abu Bakr et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فمات رضي الله عنه بعد ثلاث من طعنه. Il est resté 3 jours après sa blessure, après le coup de poignard de Abu Lu'lu. Et هذا في سنة 24 من الهجرة, la 24e année de l'Hijra, il est mort et il avait 63 ans comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comme Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhum. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yujzi amir al-mu'minin khayr al-jaza wa nas'aluhu azza wa jal an yukhziya a'da'ahu wa a'da'a al-muslimin min yahud wa nasara wa rawafid innahu wali dhalik wal qadir alayhi wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.